Marcel, venez. Les cours du Collège de France, Antoine Compagnon. Étude, essai, roman. Étude, roman, essai. Vous avez vu cet homme ? Proust, essayiste. Vous voici conviés cet été au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche en compagnie d'Antoine Compagnon. Meryl Moneghetti. Quelle est l'inquiétude chez Proust de gaspiller sa vie et de ne pas produire une œuvre ? Comment cette hantise s'incarne-t-elle dans la figure du célibataire de l'art qui va de Doudan au XIXe siècle au personnage de Swann dans À la recherche du temps perdu ? Comment ces célibataires de l'art ont-ils la passion de la botanique, à la fois comme une forme de sociabilité et comme un remède à la mélancolie ? Comment Doudan, qualifié de brillant moraliste, incarne-t-il le modèle de la procrastination chez l'essayiste ? Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, arrive presque au terme de sa grande enquête autour de Proust essayiste. En fin de cours précédent, notre critique littéraire a proposé de continuer de traquer, nous dit-il, le spirituel et malin Doudan, ce modèle de l'esprit délicat né sublime, sceptique distingué, mais aussi anti-modèle, qui porte la blessure de l'écrivain sans œuvre aux yeux de Proust. Antoine Compagnon a mis en valeur l'importance souterraine de ce précepteur devenu homme de compagnie de la famille du duc de Breuil, mais aussi familier du clan Copé, conversationniste distingué, essayiste en chambre, dont la gloire posthume a même été relevée entre autres par Barbey d'Aurevilly. Le cours précédent s'était achevé sur l'entourage du duc de Breuil et sa visite au chansonnier Béranger, à la prison de Sainte-Pélagie, où étaient enfermés les auteurs engagés de tous bords en un temps de grande agitation politique dans la première moitié du XIXe siècle. Alors, qui étaient Doudan et son ami Rollin ? Nous gagnons le Collège de France pour le cours d'Antoine Compagnon le 2 avril 2019. Aujourd'hui, Doudan ou les célibataires de l'art. Qui sont les autres partenaires de cette discussion intéressante qui a lieu autour du duc de Breuil sur Béranger ? Ce pauvre monsieur Rollin, avec sa grosse figure, est parti ce matin. Il est vraiment très bon enfant et très aimable à la campagne. Hier soir, il y a eu une discussion presque trop vive entre lui et Monsieur Lebrun sur les chansons de Béranger. Monsieur Rollin et ton père les attaquaient beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette lettre ? C'est une lettre de la duchesse de Breuil, née Albertine de Staël, à son fils Albert de Breuil, donc le futur représentant de l'ordre moral, président du Conseil du 16 mai, qui sera donc moins libéral que son père. Et c'est une lettre du 3 août 1838, juste avant la mort de la duchesse. Et puis, vous avez vu qu'il était question de ce monsieur Rollin, nouveau personnage introduit, qui m'a donné un peu de mal avec sa grosse figure pour découvrir de qui il était question. Il s'agit de l'ami intime de Jiménez Doudan, tout simplement. Je ne sais pas d'ailleurs avec quel degré d'intimité, mais vous verrez que leurs lettres sont avec un degré d'affection qui était sans doute permis dans les rapports d'amitié du XIXe siècle. Jiménez Doudan et Marc-Auguste Rollin, qui étaient maître de requête au Conseil d'État. Vous voyez son annonce, l'annonce de sa mort en 1850 dans le journal des débats, bien sûr, le journal de ce milieu orléaniste. Maître de requête au Conseil d'État, chevalier de la Légion d'honneur, est mort le 10 de ce mois, c'est septembre 1850, au château de Colombier. Bien sûr, habitant du faubourg Saint-Germain, puisque les obsèques ont lieu en l'église Saint-Thomas d'Aquin. Voici encore un célibataire de l'art. Nous sommes dans ce milieu de jeunes hommes dilettantes. Doudan, dont il était question, avait été nommé maître de requête au Conseil d'État après avoir été chef de cabinet du duc de Breuil, en 1836, quand le cabinet tombe et que Molé, justement, est le successeur, eh bien, il est nommé maître de requête au Conseil d'État, mais il restera toujours en service extraordinaire, autrement dit, dans le salon des Breuil. Et ces jeunes gens, comme ce monsieur Rollin, ont été les protégés de Talleyrand. Talleyrand, ministre des Affaires étrangères de différents régimes. Il se trouve que c'est ce Rollin qui est allé déclarer le décès de Talleyrand en 1838. Et lui aussi était un herborisateur, un botaniste émérite et célibataire. Il est mentionné dans les souvenirs d'Autonin d'Haussonville. Autonin d'Haussonville, bien connu des Proustiens, qui est l'ami de Madame Strauss et que Proust a fréquenté. Proust a fréquenté, c'est le milieu qu'il a fréquenté de la plus haute aristocratie, les Haussonville, et ils avaient, je vous rappelle, une propriété qui se trouvait à Gurcy-le-Châtel. Gurcy qui sera le nom de Charlus dans les brouillons du Contre Sainte-Beuve. Le comte Autonin d'Haussonville, celui que Proust a connu, est le fils du comte Joseph d'Haussonville, cinquième comte, eh bien c'est celui qui a épousé Louise de Breuil, la fille de Victor de Breuil, représentée par Ingres. Et Autonin d'Haussonville rattache ses premiers souvenirs, il est né en 1843, à la Révolution de 1848, et les voilà ses souvenirs qui sont amusants, puisque l'un de ses premiers souvenirs concerne ce monsieur Rollin, qu'il confond avec Ledru Rollin. Bon, il raconte la Révolution de 48, vue depuis leur hôtel qui était rue Saint-Dominique, l'hôtel des Haussonville, et il dit « Je vis également entrer au ministère un monsieur Rollin qui avait été autrefois de loin un modeste soupirant de la belle duchesse de Dinot, la nièce de Talleyrand, qui était devenu un ami intime de ma famille. » Donc lui aussi introduit dans ce milieu Breuil-Haussonville. « Rollin que je voyais souvent, Ledru Rollin dont j'entendais souvent parler, ces deux noms s'embrouillaient dans ma cervelle enfantine. » Et je vins annoncer au salon que Ledru Rollin venait d'entrer au ministère de la guerre. Grand émoi, on commençait à raisonner sur l'envahissement du ministère de la guerre par Ledru Rollin lorsque quelqu'un me demanda « Comment connais-tu donc Ledru Rollin ?»« Mais je le vois souvent ici, » répondis-je naïvement. On se moqua de la confusion que je faisais entre notre paisible ami et le célèbre agitateur. Je fus très humilieux. Souvenir du comte de Sanville, donc familier de Proust, qui malheureusement ont été publiés quelques mois après la mort de Proust dans la Revue des Deux Mondes. Proust ne les a donc pas lus, mais il a beaucoup fréquenté, enfin il a fréquenté les Haussonville à partir de 1893, et les Proustiens savent bien que les souvenirs du comte Joseph d'Haussonville, le père de celui-ci, ont été mis à profit dans la recherche du temps perdu. Proust tire diverses anecdotes des souvenirs d'Haussonville dans la recherche du temps perdu, en particulier un passage célèbre qui est l'incertitude du narrateur lorsqu'il est invité chez la princesse de Guermantes. Il reçoit une invitation, il doute qu'on l'ait invité dans ce milieu si aristocrate. Eh bien, comme il est écrit dans La recherche du temps perdu, cette anecdote est empruntée à ce qui était arrivé au comte Joseph d'Haussonville, tel qu'il le raconte dans ses mémoires. Alors, Rollin, Doudan, voilà ce petit milieu de jeunes gens distingués ayant peu publié. Rollin, voici tout ce qu'il a publié, un article dans la Revue française de Guizot. Alors c'est intéressant, voilà encore l'exemplaire de la Bibliothèque nationale. Et évidemment, ce n'est pas signé, les articles ne sont pas signés à cette époque. mais quelqu'un a ajouté dans la marge au crayon Rollin. Et on sait donc que c'est bien lui qui a écrit cet article. Doudan lui en parle d'ailleurs dans une lettre. « Venez, Paris, ne vaut pas la peine qu'on y reste. Sachez, monsieur, que cet article de la revue sur l'histoire de Louis XIII que vous pensiez si mauvais est trouvé excellent par des gens qui s'y connaissent, assurément, monsieur Guizot, etc. » Et c'est très intéressant puisque c'est une dénonciation des lois de septembre. Les lois de septembre, c'est les lois de septembre 1835 contre la liberté de la presse. Lorsque le duc de Broglie était Premier ministre, eh bien, vous voyez comme son chef de cabinet, lorsqu'il était Premier ministre, ironise à propos de ces lois sur la liberté de la presse. Rollin, Doudan, c'était donc cette amitié ainsi décrite par Cuvillier-Fleury, et ancien étudiant à l'époque. Il n'y a guère d'écrivain à propos de Doudan qui est mieux que lui fait sortir de l'ironie, disons de la moquerie, quand il s'en mêle, l'idée d'une certaine douceur. Tel de ses correspondants, celui dont j'ai déjà cité plusieurs fois le nom, je dirais presque celui qui a été le plus cher, Rollin, le maître des requêtes, semble jouer tout au long de ses pages, dont beaucoup lui sont adressées, le rôle d'une sorte de martyr dans l'ironie persistante d'un ami. Alors c'est intéressant de lire cette correspondance Doudan-Rollin. Vous pouvez la trouver, elle est en vente aujourd'hui, parce que c'est des livres qui ont eu un certain succès dans cette quarantaine d'années de la fin du siècle. Oui, on a le sentiment de lire la correspondance de Proust. On est dans le même monde de ces correspondances amicales et affectueuses. Et Rollin est en effet, voici une lettre de Doudan, un fameux botaniste. Voici qui est « Bel et bon, mon cher ami, mais quand venez-vous ici où tout le monde vous désire avec passion ? Laissez donc là les marais du Batave. Vous n'y trouverez que des rhumatismes, demandez au premier médecin venu. » Et puis c'est à travers le langage des fleurs que Doudan invite Rollin à venir le rejoindre à Breuil. Les fleurs qui couvrent les collines et les plaines et les ravins et les bords des mares et celles qui bordent le lit des ruisseaux s'entretiennent de votre prochaine arrivée. C'est à qui d'entre elles figurera dans votre herbier. On les entend quand le vent passe se dire « Sais-tu que le fameux botaniste Rollin va venir par ici ?» Et toutes les élébores se pavanent en murmurant « C'est nous qu'il cherche. Adieu, mon cher ami. Vous me dites je pars le 15 ou le 16, donc ma lettre sera obligée de courir après vous. Elle n'en vaut pas la peine. » Lettre très intéressante puisque c'est l'avant-dernière lettre à cet ami qui mourra très jeune, ce fameux botaniste. Vous voyez qu'il y a là une corrélation entre cette passion de la botanique et ce célibat de l'art. Ce qui nous renvoie au passage du côté de Guermantes où Madame de Villeparisis évoque tous ces noms. Voyez comment elle le dit. « Je n'ai aucun mérite à connaître les fleurs. J'ai toujours vécu au champ, » répondit modestement Madame de Villeparisis. Ici, on a le topos qui lie l'aristocratie à la paysannerie, à la campagne. Les aristocrates connaissent la terre. Et elle s'adresse au prince Von. « Si j'ai eu toute jeune des notions un peu plus sérieuses que les autres enfants de la campagne, je le dois à un homme bien distingué de votre nation, monsieur de Schlegel. Je l'ai rencontré à Breuil, où ma tante Cordélia, la maréchale de Castellane, m'avait amené. Je me rappelle très bien, monsieur Lebrun, monsieur de Salvandy, monsieur Doudan, le faisait parler sur les fleurs. J'étais une toute petite fille, je ne pouvais pas bien comprendre ce qu'il disait, mais il s'amusait à me faire jouer et revenu dans votre pays, il m'envoya un bel herbier en souvenir d'une promenade que nous avions été faire en phaéton au Val Richer. Le Val Richer, c'est chez Guizot, où je m'étais endormi sur ses genoux. J'ai toujours conservé cet herbier et il m'a appris à remarquer bien des particularités des fleurs qui ne m'auraient pas frappé sans cela. Quand Madame de Barante a publié quelques lettres de Madame de Breuil, belles et affectées comme elle était elle-même, j'avais espéré y trouver quelques-unes de ses conversations avec Monsieur de Schlegel. Mais c'était une femme qui ne cherchait dans la nature que des arguments pour la religion. Alors, c'est un passage très intéressant par le curieux degré de confusion entre fait et fiction. D'un côté, nous avons Schlegel, Auguste Schlegel, qui était tout proche du milieu de Coppée, donc du milieu des Stahl. Nous avons Barante, mais ce n'est pas Madame de Barante qui a publié les lettres de Madame de Breuil, c'est son fils, Albert de Breuil, qui les a publiées, mais il les a publiées après que certaines lettres avaient été incluses dans les souvenirs du baron de Barante. Donc on a une transformation, mais je dirais marginale, de l'histoire. Et vous voyez cette association donc de Doudan à ce milieu. Dans le même contexte, dans un brouillon qui nous renvoie encore à cette liaison, Madame de Villeparisis est interrogée sur Balzac, c'est souvent le cas, et Balzac est déconsidéré par opposition aux autres. « Je vous dirai, ajouta-t-elle, qu'on parle beaucoup plus de lui aujourd'hui, mais que chez les gens d'esprit d'alors, il était loin d'être apprécié. On lui préférait mille fois des hommes comme M. Doudan ou M. Berceau, qui lui étaient infiniment supérieurs. » Alors, j'ai d'abord été troublé par cette association de Doudan et d'Ernest Berceau. J'avais cité ce nom parce qu'il figurait dans une liste d'hommes politiques et qu'il était tout à fait incongru. Berceau figurait toujours dans la bouche de Madame de Villeparisis, dans cette liste, Molé, Fontane, Vitrolles, Berceau, Pasquier, Lebrun, Salvandi ou Daru. D'une part, il était incongru parce qu'il était d'une autre génération, et d'autre part, il était incongru parce qu'il était le seul homme non politique de cette liste. Et je m'étais demandé ce qu'il faisait là. Berceau, c'est un philosophe, c'est un universitaire, c'est un agrégé de philosophie, démissionnaire après son refus de prêter serment après le coup d'État en 1851. Mais c'est un collaborateur du Journal des débats pour la philosophie, récompensé pour son opposition à l'Empire. Il sera le directeur de l'École normale de 1871 à 1880. Pourquoi figure-t-il dans ces listes de Madame de Villeparisis? Pourquoi est-il associé dans ce brouillon à Doudan? Ben, la clé, c'est que lui aussi fait partie de ces moralistes sceptiques associés par l'opinion contemporaine, dans la lignée de Montaigne, Vauvenargues et Joubert. C'est cette lignée-là. Montaigne, Vauvenargues, Joubert et Sainte-Beuve. Et Sainte-Beuve qui fait partie de ce scepticisme tel qu'on le retrouve dans les Notes et Pensées. Berceau et Doudan ont leur place dans cette série. Et voici ce que je trouve dans une notice nécrologique sur Berceau. Berceau compte parmi les plus rares esprits de notre temps à un double titre, écrivain moraliste, il a sa place à lui entre Vauvenargues et Doudan. Aussi fin lettré que l'un, aussi haut de cœur que l'autre. Vous voyez qu'il y a donc, dans ces années 1880, 1910, qui nous mène jusqu'au contre-Sainte-Beuve, une lignée qu'on peut même faire remonter à Montaigne. Montaigne, Vauvenargue, Joubert, Sainte-Beuve, Doudan et Berceau. Dans la philosophie française de Paul Janet, on trouve ceci: Berceau appartient à la grande école de ceux qui n'ont pas d'école. Comme les Montaigne, les Vauvenargues, les Joubert, les Sainte-Beuve. Voyez, l'école de ceux qui n'ont pas d'école. Vous voyez que on a là ces hommes privés, par opposition aux publiants, ces hommes que tous leurs contemporains considèrent comme supérieurs, plus spirituels. Et ça devrait nous amener à nous intéresser à ce destin des précepteurs. Que j'indiquais ce précepteur qui est un personnage obscur, tel que Doudan, qui, de précepteur, devient secrétaire intime du duc. Et puis tout ça se termine en 36. Il meurt en 1872. De 1836 à 1872, il est le conversationniste du salon du duc de Breuil. Le salon du duc de Breuil, qui était au 94 rue de l'Université, au coin de la rue de Solferino, c'est l'ancien siège du Parti socialiste, jusqu'il y a quelques mois, qui vient d'être vendu et qui deviendra sans doute encore un hôtel de luxe à Paris. C'était donc là que trônait Doudan pour faire sa conversation. Et lorsqu'il est décrit comme secrétaire intime, ce qui faisait sa qualité, c'était sa discrétion pleine de tact, notion que nous retrouvons. En tout et pour tout, cet homme discret, cet homme sans âge, ce conseiller de l'ombre, il est partout décrit comme celui à qui l'on montre ses articles avant de les publier. C'est lui qui corrige. C'est le meilleur, mais celui qui n'écrit pas. Il est hypochondriaque, se plaint tout le temps de sa mauvaise santé, mais enfin, il vit à un âge relativement âgé. En tout et pour tout, au cours de sa vie, il a écrit 12 articles. 5 en 1829 dans le journal des débats, quelques-uns ensuite dans la Revue française. La Revue française, qui est la revue de Guizot. Et après 1838, plus rien, jusqu'à sa mort en 1872. Ce qui est véritablement admirable dans un monde de stampomanes. Et ce sont donc ses amis qui, après sa mort en 1876, publient son œuvre. Et cette œuvre, lorsqu'elle est publiée, elle est beaucoup estimée. Voici ce qu'en écrit Barbé d'Aurevilly, qui lui consacre un article en 1876, lorsque l'œuvre posthume, dans les œuvres posthumes sont publiées. Ce Doudan, qui s'appelait Jiménez et qui n'était pas cardinal, l'aurait-il été que ce n'eût pas été comme Jiménez, mais comme Bembo, ce Jiménez Doudan sortait de terre comme une taupe ou de Douai, cette taupinière, et serait resté un petit professeur perdu quelque part sans les deux Breuil qui le prirent chez eux comme précepteur et qui tombèrent bientôt sous le charme de cet esprit à qui les bégueules de la politique ne résistaient pas et qui, plus fort que Don Juan qui ne séduisait que les femmes, accomplissait ce tour de force et de souplesse de séduire des doctrinaires. Joubert avait été l'ami de Chateaubriand, la proportion est bien gardée, Jiménez Doudan est à Joubert ce que le prince de Breuil est à Chateaubriand. Vous avez toujours cette comparaison de l'ami qui sauve. J'ai dit qu'il a publié 12 articles de son vivant, ben, ils sont justement sur Sainte-Beuve, le tableau du XVIe siècle, sur Villemain, le tableau du XVIIIe siècle, sur les œuvres complètes de Ried. Les œuvres complètes de Ried, philosophe promu par Royer-Collard. C'est Royer-Collard qui l'avait lancé. Et ces mélanges et lettres, en 1876, sont publiés avec une introduction du comte d'Haussonville, le mari de Louise de Breuil, et des notices de messieurs de Sacy et Cuvillier-Fleury, tous académiciens. Trois académiciens écrivent les préfaces de ces lettres. Et cela fait ironiser Darby de Revilly, encore un livre posthume. Et on est d'autant plus surpris que les noms qui pavoisent la porte de ce livre d'un mort inconnu ne sont pas faits pour donner l'envie d'y entrer. On y a entassé comme Pélion sur Ossa, d'Haussonville sur Sacy et Sacy sur Cuvillier-Fleury, un amphithéâtre en balcon d'académiciens qui ne représente précisément en littérature la vie, la grâce, la légèreté, l'ondoyance, la fantaisie aimable. Cet X Doudan qui pouvait rester X et qui a été X toute sa vie, car il avait le goût exquis de l'obscurité, est un esprit de la race de Joubert, de ce délicieux Joubert, découvert après sa mort comme un diamant au fond d'un vieux bonheur du jour. C'en était un ce jour-là et il le recommence. Mais il le décrit comme un Joubert pâli. Je crois bien qu'il se doutait un peu qu'il était le cadet, car dans toute cette correspondance qui est l'histoire littéraire du temps de la découverte de Joubert, il n'est pas dit un mot de ce livre. Donc c'est un éloge de Barbé d'Aurevilly pour ces mélanges et lettres de ce penseur découvert après sa mort. Seule réserve de Barbé d'Aurevilly, il n'a pas reconnu ses contemporains, et notamment Balzac. Le reproche, c'est d'avoir ignoré Balzac. Et voici ce... Oui, c'est une pitié que cet esprit-là, Balzac émergeait à l'horizon, il l'a raté. Et voici ce passage de Barbé qui est assez joli. Qui oserait toucher irrespectueusement à cette arche de la comédie humaine et à Balzac, ce Balzac presque insulté il y a 20 ans, jusque par ce pauvre petit Doudan qui n'était pas méchant, mais qui eut le tort toute sa vie de pondre les jolis œufs qu'on a dénichés depuis dans un nid d'oie académique qui les a gâtés. Voilà ce mélange donc d'admiration et d'admiration évidemment mitigée. Alors il est difficile de savoir ce que Proust connaît de ce Doudan, je n'en sais rien, mais il est sûr qu'il n'est pas un inconnu et que dans cette hantise du célibat de l'art, il y a quelque chose de ce genre de personnage. Souvenez-vous de la première introduction de cette notion du célibat associée à Swann au tout début de Congrès. C'est la grand-tante qui dit ceci, « Je ne peux pas dire comme je trouve que Swann change. » Il est d'un vieux. Ma grand-tante avait tellement l'habitude de voir toujours en Swann un même adolescent qu'elle s'étonnait de le trouver tout à coup moins jeune que l'âge qu'elle continuait à lui donner. Et mes parents, du reste, commençaient à lui trouver cette vieillesse anormale, excessive, honteuse et méritée des célibataires. De tous ceux pour qui il semble que le grand jour qui n'a pas de lendemain soit plus long que pour les autres, parce que pour eux, il est vide et que les moments s'y additionnent depuis le matin sans se diviser ensuite entre des enfants. C'est une tirade curieuse contre Swann célibataire, puisque dans les passages qui l'environnent, il est justement question de son mauvais mariage et de sa fille, Gilberte. Mais Swann reste, pour ainsi dire, un célibataire ou tel un célibataire sur le modèle du célibataire de Joubert à Doudan, qui est toujours lié à la mauvaise santé, à la mélancolie, à l'hypocondrie. Et voici le passage célèbre du temps retrouvé sur les célibataires de l'art. « Aussi combien s'en tiennent là, qui n'extraient rien de leur impression, vieillissent inutiles et insatisfaits, comme des célibataires de l'art. Ils ont les chagrins qu'ont les vierges et les paresseux et que la fécondité ou le travail guérirait. Ils sont plus exaltés à propos des œuvres d'art que les véritables artistes, car leur exaltation n'étant pas pour eux l'objet d'un dur labeur d'approfondissement, elle se répand au dehors, échauffe leur conversation, empourpre leur visage. Ils croient accomplir un acte en hurlant à se casser la voix, bravo, bravo, après l'exécution d'une œuvre qu'ils aiment, mais ces manifestations ne les forcent pas à éclaircir la nature de leur amour, ils ne la connaissent pas. Cependant, celui-ci, inutilisé, reflue même sur leurs conversations les plus calmes, leur fait faire de grands gestes, des grimaces, des hochements de tête quand ils parlent d'art. Tableau grotesque de ces célibataires de l'art, un peu à la manière de vierges folles. Et Proust est obsédé par ce destin, exactement comme Sainte-Beuve. Ce topos revient constamment chez Sainte-Beuve pour décrire Fontane, Fauriel, Favre. Les notes sur Fontane que j'ai citées à propos de sur la lecture, hein, sur la lecture, il y a un certain nombre de leçons. Je citais cette note de Sainte-Beuve sur Fontane et ce côté épicurien sans lequel Fontane, avec son talent, aurait produit bien davantage. Sainte-Beuve revient toujours à cette idée. Et les célibataires de l'art, voici une note encore d'un cahier de Proust, le cahier 57, capitalissime, capitalissime, à un endroit où je parle des célibataires de l'art, Stani et Saucine applaudissant, c'était les bravos de tout à l'heure, l'enthousiasme des célibataires de l'art, applaudir, même entendre toujours et de trop, je dis qu'ils me disent, j'ai entendu cela, c'est bougrement beau. Et les célibataires de l'art, ce sont ceux qui, au fond, ne produisent rien parce que l'œuvre est trop réfléchie. Proust dit justement à propos de du nez de Cléopâtre, le livre de Saucine, l'œuvre trop réfléchie, rarement, est vivante. Et la couleur perd en intensité ce que l'analyse gagne en profondeur. C'est ça aussi le danger de l'intelligence chez Proust. Les œuvres sont avortées par excès d'intelligence. L'excès d'intelligence rend stérile. Le procès proustien de l'intelligence est aussi une volonté de libération par rapport à la paralysie qu'elle exerce. De Doudan, Victor Cousin disait, tous ses amis qui l'entourent, qui considèrent qu'il est le plus spirituel, le meilleur d'entre eux, Victor Cousin disait « Voilà, s'il voulait seulement écrire quelque chose, celui qu'il faudrait nommer à l'Académie. Et personne, depuis Voltaire, n'a eu autant d'esprit. » Malheureusement, il n'écrit rien. Le Collège de France et France Culture vous présente Antoine Compagnon, Proust essayiste, aujourd'hui, Doudan ou les célibataires de l'art. Alors vous voyez, je disais, ce fil Doudan-Rollin m'a fait penser à quelque chose de nouveau. Le statut de la botanique comme divertissement de célibataire. Le statut de la botanique dans la culture contemporaine et aussi dans la recherche. On sait que la botanique est importante, notamment dans Sodome et Gomorre 1. Et vous l'avez remarqué, Doudan est mentionné par Madame de Villeparisis à propos de la botanique à laquelle elle a été associée dans le milieu de Copé, chez les Breuil. C'est un divertissement de Copé. Vous avez vu que Doudan utilise ce langage des fleurs dans l'amitié avec Rollin. Swann, revenons à lui, modèle de ce célibataire, Swann est un herboriste compétent. C'est lui qui a initié la duchesse de Guermantes à la botanique. Elle y renoncera parce qu'elle ne veut pas fréquenter Odette. Mais au fond, tout ça annonce le rôle de la botanique dans Sodome et Gomorre 1. Dans Sodome et Gomorre 1, le narrateur joue au botaniste, à ce qu'il appelle l'herborisateur humain, le botaniste moral. Mais, me semble-t-il, avant cette comparaison du botaniste moral qui sera celle de Sainte-Beuve, il faut réfléchir au rapport de la botanique et de l'amitié, de la sociabilité qui se crée autour de la botanique et du lien de la botanique et de l'essai, au fond, depuis Rousseau, puisqu'il y a un héritage rousseauiste qui se transmet dans ce rôle de la botanique. Sainte-Beuve, je n'avais jamais remarqué cela, revient très souvent sur le rôle de la botanique comme remède à la mélancolie. Lorsque, hors tous ces célibataires de l'art, hypochondriaques, sont mélancoliques. C'est la botanique qui peut les soigner. La botanique et la lecture. Par exemple, Ampère qui fréquente le milieu des Breuil, Sainte-Beuve nous dit « Il était tombé dans une espèce d'idiotisme, passait sa journée à faire de petits tas de sable. Il ne sortit de son état morne que par la botanique, cette science innocente dont le charme le reprit. » Et lors d'un autre épisode de mélancolie d'Ampère, dans un autre texte de Sainte-Beuve, celui-ci nous dit « Il n'était parvenu à sortir de la stupeur où il était tombé que par une étude toute fraîche, la botanique et la poésie latine, dont le double attrait l'avait ranimé. » Botanique et poésie latine, thérapeutique à la mélancolie. Ou encore Fauriel, Sainte-Beuve revient souvent au cas de Fauriel. Fauriel, c'est le cas de l'érudit qui ne parvient jamais à aller au-delà de l'érudition, de transformer son érudition en œuvre, parce qu'il y a toujours plus à chercher. C'est le chercheur perpétuel, auteur rare, grand philologue. Eh bien, Sainte-Beuve nous dit « Il aimait en tout à étudier, à saisir les origines, les fleuves à leur source, les civilisations à leur naissance, les poésies sous leur forme primitive, et de même en botanique, quand il herborisait, il cherchait de préférence les mousses. » Les mousses. Et Sainte-Beuve lui-même, on l'accusait de s'intéresser aux mousses, de cueillir d'imperceptibles mousses. Sainte-Beuve dit encore de Fauriel, il faisait des excursions cryptogamiques, c'est-à-dire qu'il s'intéressait aux plantes dont les organes de reproduction sont cachés, contrairement au narrateur dans Sodome et Gomorre. L'érudit s'intéresse aux plantes dont les organes de reproduction sont cachés et il se rend dans les lieux chéris des mousses. Alors bien sûr, ce rôle de la botanique auquel Sainte-Beuve revient si souvent, le modèle c'est Chateaubriand. Chateaubriand retourne toujours à la botanique pour se guérir. Dans l'essai sur les révolutions, je crois que c'est Sainte-Beuve, il indique encore d'autres sources de plaisir qu'on peut tirer du malheur et il recommande particulièrement l'étude de la botanique, telle qu'il la dépeint et qu'il l'entend, n'est guère que le culte des harmonies de la nature. Après avoir conseillé surtout l'étude de la botanique propre à calmer l'âme. Pour Chateaubriand, la botanique, c'est un palliatif applicable aux âmes tristes et ulcérées. Et vous voyez qu'il y a toute une dimension de la botanique, je dirais, même chez Sainte-Beuve, auquel nous devons être attentifs lorsque nous comparons l'œuvre de Sainte-Beuve à une botanique morale. L'expression, je crois, ne figure pas chez Sainte-Beuve, mais elle figure chez Taine, elle figure chez Paul Bourget, et c'est celle que Proust reprend au tout début du Contre Sainte-Beuve, la botanique morale. Mais, me semble-t-il, c'est passé à côté de ce que cette botanique a comme rapport avec un certain modèle de sociabilité, un certain modèle de sociabilité qui vient de Copé, et qui se transmet dans une certaine aristocratie. À la faveur de la botanique, et c'est le dernier grand thème que je voudrais aborder, eh bien, on rencontre cette question de l'impuissance, de la stérilité, de la paresse et de la procrastination qui traverse toute la recherche du temps perdu depuis le Carnéen. C'est un thème que Proust traque chez Balzac, chez Baudelaire, chez Sainte-Beuve, et au fond, je vous disais, si je n'ai pas suivi de plan, je crois que je puis dire, en arrivant à la fin de ce cours, que c'est bien l'une des questions centrales de l'essayisme proustien. Comme c'est une question centrale de l'homme sans qualité de Musil. L'essayisme, c'est bien la question de ce mode de vie de l'homme sans qualité. Voici par exemple ce que Doudan écrivait à son élève Albert de Breuil, futur président du Conseil du 16 mai, qui est alors son élève de 16 ans, à qui il donne des conseils de lecture. C'est une lettre de 1837. Ce Doudan qui n'écrira rien. Je me suis noyé dans les eaux de cette grande bibliothèque, la bibliothèque des Breuil, à Breuil. Et j'ai par-dessus la tête 20 pieds de livres que je voudrais finir avant de partir. Je sais bien pourtant que cette curiosité infinie est un genre de paresse et peut-être le pire de tous parce qu'il fait l'effet du travail. Exactement ce que Sainte-Beuve dit de Fauriel, des autres érudits. Leur érudition paralyse le travail. Et puis à son ami Rollin, en 1835, il écrit ceci. « Je vous ai fait, j'espère, de beaux discours sur l'érudition. Pour moi, j'ai une rage d'apprendre qui ne fait que croître et embellir chaque jour. C'est là le secret de ma prétendue paresse. Il n'y a de véritable originalité en tout que sous les dernières couches de l'érudition. Quand on ne sait rien, on se croit trop facilement des idées neuves. » Et on voit bien là le motif de la paralysie qui fera qu'il n'écrira jamais. Il dit un peu plus loin, « Ce serait une sage résolution de ne rien penser par soi-même jusqu'à ce qu'on sût bien ce que tous les siècles ont pensé. On serait peut-être un peu raide pour penser par soi-même après cette étude, mais lisez les deux volumes de M. Hugo et vous verrez si c'est la peine de penser par soi-même. » Vous voyez comment, de même que Balzac est mal reçu par lui, Hugo est mal reçu par lui, parce qu'ils écrivent sans avoir tout lu. On a là un thème très présent dans cette époque, c'est le thème des artistes inconnus, que l'on retrouve dans Volupté, de Sainte-Beuve, que l'on retrouve dans le poème de Baudelaire, Le Guignon, Et la référence est toujours l'élégie du cimetière de campagne de Thomas Gray de 1751. C'est le monument de l'artiste inconnu. Et voici encore une lettre de Doudan, une lettre très intéressante, de 1865. Donc, il sait qu'il n'écrira jamais rien. « Quant à votre mépris pour les prétendus beaux esprits qui n'ont rien écrit, j'avoue que je crois qu'il a passé une foule de talents inconnus sur cette terre. Je conviens que c'est un débat où il n'est pas facile de donner des preuves, mais je suis du sentiment de Gray. Dans une charmante pièce de vers que vous avez lue comme moi, je crois, avec Gray, qu'il y a dans les cimetières de village bien des Milton qui n'ont point chanté, des Cromwell qui n'ont point versé de sang. Pour moi, je ne passe jamais dans une petite ville de province sans soupçonner qu'il y a là des inconnus qui, sous d'autres circonstances, auraient égalé ou surpassé les hommes qui remplissent aujourd'hui le monde de leur nom. Il y a beaucoup de cages où sont des oiseaux qui étaient faits pour voler très haut. La nature est très riche et il ne lui fait rien que des inconnus de grand talent n'entrent pas dans la gloire. Ils vivent de leurs pensées et de leurs sentiments et se passent de l'Académie française. Tout de même qu'il y avait à Athènes un temple aux dieux inconnus, il ne serait pas mal d'élever une sorte de panthéon aux grands esprits inconnus. Je les crois plus nombreux que les connus. » Je crois que c'est une belle lettre pour analyser cette blessure de l'écrivain sans œuvre, du critique sans création, qui a gaspillé sa vie dans la lecture et dans l'érudition. Et on retrouve le thème de la lecture et ce que Proust disait de la lecture dans sa réponse à Ruskin, dans « Sur la lecture ». Il y a un moment où la lecture doit s'arrêter. Et je le disais, chez Sainte-Beuve, c'est un thème constant. Fontane, Fauriel, Favre le représentent. Sainte-Beuve insiste partout sur le fait que la plume, pour eux, cette Fauriel, est l'auxiliaire de leur recherche bien plus que l'instrument de leur production. Ces hommes-là n'écrivent pas et vous savez toute la polémique qu'il y a entre Sainte-Beuve et Balzac, hein, qui s'accusent mutuellement d'impuissance. Ils n'auraient peut-être accumulé que des notes immenses et des réservoirs cachés. Voici ce que dit Balzac, hein, « Le travail constant est la loi de l'art comme celle de la vie, car l'art c'est la création idéalisée, hein, c'est dans la cousine bête. Il en résulte cette habitude du labeur, cette perpétuelle connaissance des difficultés qui les maintient en concubinage avec la muse. Et c'est cette expression que concubinage avec la muse que refuse Sainte-Beuve. Non, Homère ni Phidias n'ont pas vécu ainsi en concubinage avec la muse. Ils l'ont toujours accueilli et connu chaste et sévère. Hein, polémique qui se prolonge longtemps avec Balzac, puisque Balzac met en scène Sainte-Beuve, redevenu artiste in partibus à travers le sculpteur de Steinbock. Hein, redevenu artiste in partibus, il avait beaucoup de succès dans les salons, il était consulté par beaucoup d'amateurs, il passa critique comme tous les impuissants qui mentent à leur début. À quoi Sainte-Beuve répond, cette parole de monsieur de Balzac, qui revient sous la plume de toute une école de jeune littérature, est à la fois une injustice et une erreur. Pourtant, comme il est toujours très délicat de démontrer aux gens comme quoi l'on est ou l'on n'est pas impuissant, passons. Vous voyez qu'il y a tout un débat qui est lié au dilettantisme, et Proust s'inscrit pleinement dans ce débat. Voici sa réponse dans contre Sainte-Beuve. Du haut de sa fausse et pernicieuse idée de dilettantisme littéraire, il juge Sainte-Beuve à faux. La sévérité de Balzac pour Steinbock de la cousine bête, simple amateur qui ne réalise pas, qui ne produit pas, qui ne comprend pas qu'il veut se donner tout entier à l'art pour être un artiste. Et la conclusion de Proust, le dilettantiste n'a jamais rien créé, Horace même était certainement plus près de Balzac que de M. Daru ou de M. Mollet. Vous retrouvez Mollet, hein, dont j'ai beaucoup parlé, comme modèle de ses travers, et il est clair que Proust réagit tout le temps à cette tentation à la Joubert ou à la Doudan. C'est au cœur de sa réflexion, la tentation de l'artiste sans œuvre. Voici ce qu'il dit de Joubert, c'est dans le Contre Sainte-Beuve, et ceux qui ont renoncé à être célèbres comme Joubert parce que l'insuffisance de leur santé et peut-être de leur génie, un manque de volonté et d'impulsion les empêchaient d'y travailler, sont au contraire excités à de petits travaux presque de circonstance pour faire éclater leur mérite aux yeux de jeunes gens, de leurs amis dont ils aimeraient être admirés. Et ainsi, il y a chez Joubert une rareté qui exprime à sa manière la solitude et malgré cela quelque chose de perpétuellement social. Oui, je crois qu'on peut dire que cette question est au centre de tout le thème de l'essayisme chez Proust. Hein? Célibat, botanique, amitié. Voici ce qu'écrivait Doudan à son ami Rollin. « Me voici au milieu des bois, mon cher ami, et j'aimerais bien à vous rencontrer au coin d'un bois. » Bon, souvenons-nous de Jean Santeuil. Jean Santeuil et Henri faisant de la botanique. Elle est là aussi, cette botanique. Les promenades de Jean et Henri, Henri s'occupait de botanique. La collation d'un herbier répondait d'ailleurs également à son amour de l'ordre, à son besoin de marche, à son goût pour la grâce. Un passage célèbre de Jean Santeuil sur la digitale dans le vallon. Jean Santeuil tombe en admiration de cette digitale violette. Henri interrompt sa méditation en lui donnant le nom latin de la fleur. Et Jean se compare à cette digitale. Et moi aussi, bien souvent, je me suis senti isolé du reste du monde comme la pauvre digitale. Conclusion de tout cela, puisqu'il faut bien conclure, que restait-il de Doudan au moment où Proust se met au Contre Sainte-Beuve ? Vous voyez que c'est un modèle, un type qui a traversé toute cette période. Jules Clarty écrit dans Le Figaro, en 1903, un article intitulé « La carte postale ». C'est à propos du téléphone. Il dit ceci. « Le téléphone, c'est délicieux et miraculeux. Le téléphone est, comme disent les amateurs de la carte postale, c'est si commode. Mais cela tue un peu plus encore chaque jour et à toute heure cet art si délicieusement français qu'on appelle la correspondance. Un Doudan téléphonerait aujourd'hui à ses amis et adieu les lettres de Doudan. » Doudan est encore une célébrité et je crois qu'il me permet de rassembler les fils que j'ai suivis au cœur de l'essayisme proustien en associant aujourd'hui, célibat, botanique, mélancolie, scepticisme, angoisse de l'oisiveté, de la vie gaspillée. Et il me semble qu'on peut dire qu'en 1907-1908, au moment où Proust bascule dans le Contre Sainte-Beuve et puis dans la recherche du temps perdu, il n'est pas très différent d'un Doudan, d'un Joubert pâli, avec les articles qu'il a publiés jusque-là. Au fond, il resterait à analyser le miracle qui transforme un Doudan en un Proust. Mais c'est bien le modèle, c'est le modèle à repousser dans tout cet essayisme de Proust. Alors j'admets qu'il y a beaucoup de choses dont je n'aurais pas parlé, puisque je vous dis que je n'aurais fait qu'aborder maintenant le plan. Je n'ai pas tellement parlé des grandes dissertations dans la recherche du temps perdu, la race des tentes, l'adoration perpétuelle. Mais au fond, ce que j'ai dit de la botanique aujourd'hui me semble plus intéressant que si j'étais revenu à la race des tentes. Je m'étais dit que je ferais un jour un cours sur Sainte-Beuve et Balzac ou Sainte-Beuve et Baudelaire. Mais ils ont traversé ce cours. Encore aujourd'hui, il a été question de Balzac. Et puis, on aurait pu finir avec une leçon sur la méthode de Proust. Comme il y a une méthode de Sainte-Beuve dans le contre Sainte-Beuve, Proust a un projet de ce qui s'appelait la méthode de Sainte-Beuve. Y a-t-il une méthode de Proust, une méthode critique? Il aurait donc fallu 5 ou 6 cours de plus pour faire cela. Je ne les ai pas. Je vous remercie. C'est donc le dernier cours de cette année. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours d'Antoine Compagnon, Proust essayiste, aujourd'hui, Doudan ou les célibataires de l'art. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo ainsi que l'ensemble des cours. Antoine Compagnon a édité aux éditions Gallimard Sodome et Gomorre dans la bibliothèque de la Pléiade. Je rappelle dans la même collection la nouvelle édition du coffret réunissant les 4 volumes d'À la recherche du temps perdu. Réalisation Anne de Pelchin. Présentation et coordination Meryl Meneghetti. À partir de la semaine prochaine, cette enquête s'ouvrira à d'autres approches en compagnie de Luc Fraisse, de Donatien Gros, d'Evelyne Bloch-Dano et de Clément Gérardi, qui ont été reçus en séminaire par Antoine Compagnon. La semaine prochaine, Luc Fraisse se demandera si le roman de Proust se termine par un essai théorique. Et dans quelques instants, nous retrouvons une histoire particulière. Je vous souhaite une très agréable journée à l'écoute de France Culture.